Chapitre 14. Les affres de la séparation. C'était bien la fièvre typhoïde. Elle ne fut pas violente, mais elle fut très longue. Et à deux ou trois reprises, la convalescence s'interrompit. Le mal sembla prêt à renaître. Pendant les 20 premiers jours, Émile et Jacques veillèrent alternativement et veillèrent seuls auprès de la malade. Personne n'entra dans sa chambre. Mais lorsque le plus grand danger fut passé, lorsque le délire eut cessé et que la malade, sortant de son assoupissement, commença à répondre plus longuement et plus promptement aux questions qui lui étaient adressées, Chaise-Martin, qui était venu tous les jours pour savoir de ses nouvelles, fut introduit auprès d'elle. Il y resta une heure, revint le lendemain dans la soirée, puis il amena le critique, et à mesure que reparut la santé, les séances autour du lit se prolongèrent. Pendant cette maladie, et surtout pendant cette convalescence, deux faits se produisirent qui affligèrent Jacques profondément. D'abord, ce qui arrive très souvent dans ces sortes de maladies arriva pour Caroline. Son caractère parut complètement modifié et, pour ainsi dire, transposé. Ce qu'elle aimait avant, elle le prit en grippe. Ce qui lui déplaisait lui parut charmant. Elle fut affectueuse mais froide avec Jacques, pleine d'expansion avec Chaise-Martin, de câlinerie avec le critique. Le second fut la triste nécessité où l'on se trouva de recourir à la bourse de Chaise-Martin. « Vraiment ?» dit Émile à Jacques, un jour qu'ils étaient à bout d'expédients. « Je trouve que tu portes trop loin la délicatesse. Arthur est un noble cœur. Ce n'est pas nous abaisser que puiser à sa bourse. Nous avons de l'avenir, que diable. Et ce ne sera pas de l'argent perdu. » Jacques avait toujours fièrement repoussé ce moyen qu'Émile, plusieurs fois déjà, avait mis en avant. Et il voulut encore résister. « Mon cher, répondit Foulogne, si tu n'oses pas t'adresser à lui, je m'y adresserai moi. Quoi qu'il soit plus ton ami que le mien, et en outre ton camarade, mais il s'agit de Caroline. »« C'est bien, dit Jacques, je lui parlerai ce soir. » Et la rage dans le cœur, la honte au front, Jacques alla implorer la générosité de Chaise-Martin. Celui-ci ne se fit pas prier, et sans que rien en lui trahît la raillerie ou la protection, il offrit plus qu'on ne lui demandait. Ainsi, l'obligation morale s'ajouta à la dette pécuniaire. On ne lui dut pas seulement telle ou telle somme, on lui dut la vie d'une chère et inestimable créature. Il passa ainsi à la fois à l'état de créancier et au grade de bienfaiteur. Lorsque le mieux prenant définitivement le dessus et s'affermissant chaque jour, il fut question de lever la malade et de la faire sortir. Il se trouva qu'elle était grandie et maigrie, et que ses robes ne lui allaient plus. Le lendemain de cette découverte, on apporta de la part de Chaise-Martin une pièce de soie marron très simple d'aspect, mais cependant très riche. « Permettez-moi, lui dit-il le soir lorsqu'elle voulut refuser ce cadeau, de vous offrir la robe avec laquelle vous ferez votre première sortie et recommencerez une existence qui, je l'espère, sera complètement nouvelle. » On était alors au mois d'octobre, et le temps était doux. Cette heureuse circonstance avait hâté le rétablissement de Caroline, et la voyant assez forte, le médecin lui avait conseillé quelques promenades en voiture au bois de Vincennes et au bois de Boulogne. Ah! Comme Jacques eût voulu les faire avec elle seule ses promenades, la tenir doucement appuyée dans ses bras, la tête sur son épaule. Quelle récompense pour ses fatigues, quelle espérance pour ses désirs. Mais le pauvre garçon était dans un dénuement tel que ce bonheur lui était cruellement interdit. Elle eût voulu prendre un omnibus qu'il n'eût pas même pu satisfaire cette fantaisie. La bourse seule de Chaise-Martin lui était ouverte. Un dimanche, Émile était sorti. On sonne, Jacques va ouvrir, c'était Chaise-Martin. « Caroline est-elle ici ?» Il ne disait plus mademoiselle. Oui. Nous venons la chercher. Le critique m'attend en bas, dans la voiture. Il va au fond du couloir et, sans attendre la réponse de Jacques, il frappe à la porte de Caroline. Qui est là ? C'est moi, Chez Martin. N'ayez pas peur. Nous venons vous prendre pour essayer vos forces et traîner votre robe. Elle fut promptement habillée, quoique bien faible encore. Mais la perspective d'aller au bois et d'y aller en voiture l'avait excitée. Elle descendit appuyée sur le bras d'Arthur. Jacques, auquel on n'avait rien dit, les suivait silencieusement et d'instinct. Lorsqu'ils furent arrivés en bas, Caroline monta la première. Et Arthur, se retournant vers Jacques, « Sacrebleu, mon pauvre garçon, comme c'est contrariant, nous n'avons que 3 places. À tantôt !»« À tantôt, Jacques !» dit Caroline d'une voix gaie, en lui faisant signe de la main. « Allons !» continua le critique. « Ne perdons pas le temps en vains discours, et levons les glaces. Crainte des courants d'air. » Cocher, au pavillon de Madrid, dans le bois de Boulogne. Jacques resta immobile. Il ne pouvait croire que ce qui se passait devant ses yeux fût une chose réelle. L'écroulement se faisait complet, intense, affreux, sans que rien l'eût annoncé, présagé. C'était fini. Ils étaient partis ensemble. Lui persifleur, elle souriante. On le comptait pour rien, lui, Jacques, qui depuis 2 ans lui avait donné sa vie, lui qui l'avait si tendrement soigné, lui qui l'adorait si ardemment. On ne savait s'il était absent ou présent. On le laissait là, sûr de le retrouver au retour. Il n'avait plus à choisir qu'entre une colère qui pouvait lui faire tout perdre et une complaisance honteuse qui, probablement, ne lui ferait rien gagner. Découragé, abruti, ne sachant plus ce qu'il faisait, il remonta l'escalier et rentra dans l'appartement. Mais lorsque, dans la chambre de Caroline, il vit les divers objets de sa toilette éparses çà et là sur les chaises, il en reçut exactement la même impression que s'il fût entré dans la chambre d'une morte, d'elle, sa bien-aimée, morte à jamais. « Oh oui !» se dit-il. « Je ne me trompe pas. Elle est morte. Pour moi, du moins. » Et il prenait dans ses mains, et il embrassait avec transport les vêtements dont elle venait de se dépouiller. « Pauvre chère robe, elle t'a quitté aussi. » Toi qu'elle portait si gaiement dans nos promenades, toi que la première fois elle fut si heureuse de m'être. Elle vint à moi ce jour-là, me consulta, me dit « Mon Jacques, ai-je bien choisi? Suis-je à ton goût? Est-ce gentil ?» Elle t'a rejeté avec dédain. Elle a revêtu son insolente robe de soie et avec elle une nouvelle âme impitoyablement froide. Il s'assit sur le lit et, les larmes aux yeux, il contempla la place où si longtemps il avait anxieusement regardé, pendant les cruelles veilles de la nuit, cette tête chérie, pâle alors, livide, décolorée. « Si elle était morte, dit-il, de sa cruelle maladie, je ne serais pas plus malheureux que maintenant. » Je la pleurerai avec reconnaissance, avec l'espoir de la retrouver ailleurs, tandis que je la pleure avec honte, avec rage, sans même espérer la retrouver ici-bas. Et tout cela est arrivé d'un coup, en une minute. Cela n'était pas il y a 1 heure. Elle était là, parlant de son ton de voix habituel, me regardant de son même regard, m'appelant son Jacques. Et il est venu, il est entré par là. Il regarda le parquet comme si les pas de son rival y eussent laissé des traces. Elle l'a suivi, oui, oui. Je ne suis pas fou. Ils sont sortis tous les deux. Il alla à la porte restée ouverte, regarda dans l'escalier et écouta quelques secondes. Parti, parti. s'écria-t-il en éclatant en sanglots. « Ils sont partis !» Alors il se mit à marcher dans la chambre, croyant toujours la trouver dans la pièce où il n'était pas, toujours foudroyé de ne la point rencontrer, jusqu'à ce que, hébété, endolori, n'y voyant plus, n'en pouvant plus, il se jeta comme une masse sur le tapis de la chambre de Caroline. Mais cette masse avait conscience. Sans trop se préciser son malheur, elle se savait atrocement malheureuse. L'esprit qui se sentait submergé par l'immensité de la douleur se débattait par instinct de conservation, et bientôt ce corps gisant à terre redevint un homme. Jacques essuya ses larmes, fit effort pour réfléchir, se leva, équilibra ses jambes, affermit son âme. « Puisqu'elle est morte, dit-il, je mourrai aussi. Mais auparavant, sans être vu d'elle, je veux la revoir. Je vais aller aux Champs-Élysées, dans cette confusion de voitures, et au milieu de ces imbéciles qui croient participer au luxe en le voyant passer. Elle ne me reconnaîtra pas. J'emporterai dans mes yeux l'empreinte de son doux visage. Quand il fera nuit, j'irai au bord de la Seine. Je me placerai sur la crête du talus. Je me donnerai un coup de couteau. Et ce sera fini. » Il partit. Ses yeux plongeaient avidement dans les voitures qui redescendaient vers Paris. Mais dans aucune, il ne vit Caroline. Il se souvint du pavillon de Madrid et se dirigea de ce côté. Il alla jusqu'à la porte Maillot et ne vit personne. Il redescendit en explorant toujours les voitures. Arrivé à Passy, il se retourna et rentra dans le bois. Il avait perdu tout espoir de la rencontrer et il marchait emporté seulement par la sauvage satisfaction de se sentir libre, d'aller d'un pas rapide, devant soi, sans s'arrêter, coupant l'air qui, en se rafraîchissant déjà, lui faisait du bien. Il était en plein sous le bois, ne faisant plus même attention aux voitures qui le croisaient ou le dépassaient, quand, derrière lui, il s'entendit appeler par une voix stridente et moqueuse, celle de Chaise-Martin. « Je vous dis que c'est lui !» criait la voix. « Il n'y a que lui au monde pour marcher d'un air aussi tragique !» En entendant cette voix, Jacques s'était retourné et presque immédiatement, il avait été rejoint par la voiture d'où elle partait. « Cocher, arrêtez !» cria Chaise-Martin qui ouvrit la portière et, se penchant vers Jacques encore tout interdit, continua avec un effarement grotesque. « Comment ? C'est vous, Werther de la Mansarde, René de l'Écritoire ? Bon Dieu, quelle mine ! Est-ce que vous allez vous tuer ? Qu'on le fouille, il doit être bourré de pistolets. Tâtez dans les goussets de son gilet, il y a peut-être du poison en poudre. » Jacques était resté quelques instants immobile, regardant sans bien voir, écoutant sans bien comprendre, tout engourdi qu'il était encore dans sa poignante méditation. Mais, à ce dernier mot, un frisson de colère secoua sa torpeur. Il regarda Chaise-Martin en face et franchit les quelques pas qui le séparaient de la voiture. Et pendant ce temps, comme il ne s'apercevait de rien, Chaise-Martin continuait joyeusement. « Allons, montez, jeune homme triste et lugubre. Vous en êtes venu à vos fins, qui étaient de vous empiler contre nos personnes sacrées. Vous auriez mieux fait de le dire quand nous sommes partis. Vous vous seriez moins crotté. » Jacques était arrivé depuis 2 ou 3 secondes contre la voiture et pâle, livide, effrayant, il dévorait Arthur des yeux. Il y eut un moment de silence que l'attitude de Jacques rendit terrible. Aussi Caroline, comme si elle eût pressenti ce qui allait arriver, se pencha vers la portière en écartant Chaise-Martin et tendant la main à Jacques. « Allons, » dit-elle d'une voix douce, « montez avec nous. » Il la regarda et lui sembla lire dans ses yeux qu'il croyait ne plus revoir de la tendresse, de la prière et même de l'amour. Il fit quelques pas en arrière comme pour s'enfuir, Puis, ayant encore rencontré les yeux suppliants de Caroline, il s'arrêta de nouveau. « Eh bien, montez donc !» fit à son tour le critique, d'un ton presque affectueux. Une minute de plus, et il allait être ridicule ou fou de fureur. Il le comprit. « Oui, se dit-il, souffrons jusqu'à la fin, et voyons si elle me laissera insulter et jusqu'où. » Il monta, et sans dire un seul mot, il se blottit dans un coin, ayant en face de lui Caroline, qui ne le quittait pas du regard. Il resta ainsi en apparence insensible, mais après la crise dont il venait de traverser le paroxysme, il avait les traits bouleversés, les yeux boursouflés et rouges. « Je vous prends à témoin qu'il a pleuré !» dit Arthur, continuant ses railleries, qu'il lui semblait impossible d'interrompre sans paraître avoir peur. « Ah, que c'est beau! Eh bien, critique, vous le voyez, il y a encore dans notre France chérie des jeunes gens qui pleurent, parce qu'ils ne vont pas en voiture avec les grandes personnes. Savez-vous pourquoi Jacques se mariera s'il renonce un jour à l'état sacro-saint de fiancé qu'il affectionne particulièrement? Ce sera pour aller en voiture de chez lui à la mairie, de la mairie à l'église et de l'église chez lui. 20 ans de sa vie pour 2 heures de voiture. « Mon royaume pour un cheval !» dit le critique. « C'est shakespearien. »« Oui, le cheval de sa voiture !» continua Chaise-Martin. Caroline ne put s'empêcher de sourire. Elle n'avait plus le courage de sa compassion. Jacques, une fois encore, était sacrifié. Jusqu'à la place de la Concorde, ce fut sur le pauvre garçon une pluie de quolibets, une grêle de drôleries. En passant en face de la Madeleine, Arthur, comme subitement inspiré, se frappa le front. « N'avez-vous pas remarqué, s'écria-t-il, que Jacques devient effrayamment maigre ?»« Il y a, dit le critique, un degré de maigreur qui est scandaleux. »« Je crois que Jacques mange trop peu, ou qu'emporté par ses hautes idées, il mange mal, et digère plus mal encore. D'où cette maigreur scandaleuse, comme dit le critique, et qui fait l'objet de ma sollicitude. C'est pourquoi je vous invite tous, à l'intention de Jacques, à un festin de première classe chez Bonnefoy. On y enseignera à ce jeune homme l'art de se consoler d'une promenade manquée par la nourriture et la boisson. « Je crains, » dit Caroline qui sentit tout ce qu'il y avait d'atrocement cruel dans cette invitation, « qu'Émile, en rentrant, ne soit surpris de ne pas nous voir. Et d'ailleurs, pour moi-même, je suis encore bien faible. »« Prétexte frivole, » dit Chaise-Martin. « Émile n'est jamais surpris. Il ira dîner au Coq Gaulois sans s'inquiéter de nous. Quant à vous, Altesse, on vous mettra dans du coton. Vous n'aurez ni trop chaud ni trop froid. On reprendra une voiture pour s'en aller, ce qui fera grand plaisir à Jacques. Et comme il paraît ignorer ce que c'est qu'un dîner, il pourra au moins, une fois dans sa vie, s'édifier à ce sujet. Si vous avez quelque amitié pour lui, ne le privez pas de ses deux bonheurs. » Jacques souffrait horriblement. Et cependant, il se laissa faire. La rage, la fatigue, l'apathie, la pusillanimité, le prétexte qu'il se donnait de voir jusqu'où iraient les insultes d'Arthur sans blesser Caroline, s'emparaient de lui tour à tour. Mais surtout, ce qui le domina et le dompta irrésistiblement, ce fut la lâche pensée de ne pas se séparer de Caroline une seconde fois. Ce fut l'horrible crainte que peut-être il ne la verrait bientôt plus. Il savait tout ce qu'il allait endurer pendant ce dîner, et cependant il y alla, et jusqu'au bout il accepta son supplice. Il ne cherchait plus d'excuses à sa lâcheté, il se savait lâche, et il n'en souffrait pas. Devant son amour menacé, tout disparaissait, son caractère, sa dignité, son honneur. Lorsque vers 10 heures on rentra rue de Buffault, il avait passé par des sensations si extrêmes, si intenses, qu'il se croyait incapable d'éprouver aucune surprise. Et néanmoins, il fut bien étonné, ainsi que ses compagnons, en voyant Foulogne leur présenter une longue créature qui tenait le milieu entre l'homme et le peuplier. Chaise-Martin, qui était habituellement insolent et qui l'était infiniment après dîner, toisa ce roseau humain et dit à Émile « Ah, mon cher, où avez-vous donc pêché ce nouveau commensal ?»« C'est mon cousin, le brigadier le Danois, » répondit Foulogne. « Depuis quand le connaissez-vous ?»« Depuis tantôt. » »« Et comment, s'il vous plaît ?»« Je n'en sais trop rien moi-même. » Émile alors s'engagea dans de longues explications. Comme il rentrait une heure après le départ de Jacques, le concierge l'avait appelé. « Monsieur Foulogne, il y a là, dans ma loge, un de vos parents qui vous attend. » Émile regarda le parent. Le parent regarda Émile. Ils ne s'étaient jamais vus. Ils ne se ressemblaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Le parent était très long et revêtu d'une souquenille verte qu'il appelait un twin et qui, quoique longue, paraissait courbe à cause de l'infinité des jambes. Il avait une espèce de sombrero gris que les ans et les voyages avaient déformé. Mais ce qui frappa le plus Émile, ce furent d'ignobles savates éculées et vertes comme le twin, dans lesquelles nageaient les pieds de son cousin. « D'où venez-vous ? » s'écria-t-il. « De Rome, mon cousin !» Instinctivement, Émile regarda les savates. « Ah !» dit doucement le brigadier, en coulant modestement ses yeux jusqu'à l'extrémité de son individu. « C'est une longue histoire. Allons, montons chez moi et asseyons-nous. » Comme vers 6 heures, le nouveau parent, qui parlait depuis 3 heures, n'en était qu'à établir sa filiation avec les Foulognes par les femmes. « Votre histoire m'intéresse, » interrompit Émile. « Mais il y a longtemps que vous parlez. Vous devez avoir soif. Venez dîner. »« Est-ce loin ?» demanda le brigadier en regardant ses savates. Émile comprit. « Je vous offrirai volontiers des souliers, » dit-il. « Mais en été, je n'en ai d'habitude qu'une paire. »« Cependant ?»« Soyez sans crainte, c'est tout près d'ici. Dans un établissement où mes opinions et mon caractère m'ont acquis quelque estime, je dirais que vous êtes blessé. » Lorsque Émile eut raconté cette histoire assez singulière, Chaise-Martin, cessant de rire et devenant assez brusque, « Eh bien, j'espère, » dit-il, « que vous n'allez pas prendre ce lézard-là en pension. Il me paraît un animal à sang-froid, mais il y a assez d'hommes ici. Si on y introduit un brigadier, ce sera une caserne, ou tout au moins un poste. »« Soyez tranquille, demain il partira. Seulement pour ce soir, on va lui faire un lit par terre. Il doit être fatigué. »« Je crois bien, » dit le critique. « S'il est venu à pied de Rome... »« C'est dans cet itinéraire mémorable, » ajouta Arthur, « que ses bottes, par un phénomène connu en physique sous le nom d'usure, se sont transformées en savates. » Et ils s'en allèrent en riant. « Caroline, j'ai à te parler, » dit Jacques au moment où elle entrait dans sa chambre. « Est-ce que tu vas me faire une scène, ami ? Dépêche-toi alors, j'ai bien sommeil. » « Je n'ai pas de scène à te faire. » « Je veux seulement te poser 2 questions. Quel jour veux-tu que je m'en aille ? Et à quand ta noce avec Chaise-Martin ?» Elle lui répondit d'un ton très doux, mais très ferme, en regardant la pointe de ses pieds. « Je te croyais assez puni de ta sotte jalousie par les railleries de ces messieurs. Il paraît que je me suis trompé. Eh bien, mon cher, je suis malade. Je suis faible. » Je ne puis pas vivre au milieu des bouderies et des violences. Si tu n'es pas disposé à changer, dis-le-moi. Je préviendrai Émile. Je le prierai de faire respecter sa sœur. À force de douter de mon amour, tu finis par m'en faire douter moi-même. Je t'épouserai parce que tu as ma parole et que je suis une femme d'honneur. Mais prends garde que je ne fasse par devoir ce que j'aurais fait par passion. » Elle parlait ainsi, tenant la porte entrebâillée d'une main et de l'autre se soutenant au châssis. Mais alors elle se redressa et, fixant sur Jacques des yeux sévères depuis la première fois qu'ils se connaissaient, « Tu es bien mal avisé de toucher, fût-ce du bout du doigt, à notre situation réciproque. Tu nous as mis dans une impasse. Tu as fait de moi une créature sans nom, sans avenir. » Une espèce de fille que tu décores d'un nom pompeux. Tu dis toujours que tu veux m'épouser, que tu crains de me perdre. Eh bien, fais comme moi, travaille. Le jour, je ne dis pas où tu gagneras de l'argent, mais le jour où tu m'apporteras la preuve que tu as un état, quelque chose de fixe, de solide, de sérieux, ce jour-là je mettrai avec joie ma main dans la tienne, parce que je ne serai plus cette fiancée dont le monde ricane, mais ta femme légitime que tu pourras faire respecter. » En disant cela, elle fit un pas en arrière, et sans un mot, sans un geste d'adieu, avant que Jacques, abasourdi, eût trouvé une parole, elle poussa la porte et, rapidement, elle tourna la clé dans la serrure.